De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet et nous avons le plaisir de retrouver Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. De l'huile dans les rouages, c'est un rendez-vous que tu nous proposes chaque semaine et qui est aussi disponible en podcast. Si vous voulez aller réécouter les anciennes chroniques, on vous invite bien sûr à aller le faire. Tu nous invites chaque semaine donc à se pencher un peu sur la manière de dialoguer, régler les conflits. Faciliter les relations, ouais. Voilà, facilitatrice relationnelle, c'est ton rôle. Et aujourd'hui, eh bien, on va se passer plutôt du côté de la victime. Oui, en fait, l'idée, la dernière fois, on a été vigilant à la posture de sauveur, à pas basculer en sauveur. Oui. Et là, quand on est en face de quelqu'un qui se victimise, qui est plutôt victime, comment est-ce qu'on peut l'aider à se responsabiliser et à pas se sentir aspiré par cette dynamique et devenir soi-même un sauveur? On va reprendre un petit exemple. Un couple qu'on avait initié lors des précédentes chroniques, c'est, on a Manu. Il a mal au dos. Voilà, Manu et Brigitte qui avaient déjà des problèmes la dernière fois. Exactement. Aujourd'hui, c'est Manu qui a mal au dos et il se positionne en victime dans le sens où il se plaint. C'est un petit peu son habitude de se plaindre, mais de ne rien mettre en place pour initier un changement ou une amélioration. C'est comme ça qu'on va reconnaître une victime. C'est qu'elle ne se responsabilise pas, qu'elle ne prend pas sa part et qu'elle va, sans demander clairement aux autres l'aide, beaucoup se plaindre pour faire en sorte que les autres prennent en charge les problèmes pour ensuite pouvoir mieux leur reprocher qu'ils n'ont pas fait correctement les choses, puisque eux, ils n'ont rien fait. Celui qui ne fait rien ne se trompe pas. C'est facile. Donc, voilà. Donc, ça peut nous arriver d'avoir des postures de victime dans certains champs, dans certaines occasions. Donc là, Manu a mal au dos et il se plaint. Donc, comment éviter à Brigitte de prendre une place qui n'est pas la sienne de sauveur, quoi? Premièrement, donc, c'est déjà refuser de décider pour l'autre. Voilà. Brigitte, si elle commence à prendre un rendez-vous pour Manu chez le kiné ou chez un autre spécialiste, alors qu'il ne l'a pas demandé, ah là, elle a basculé. Donc, refuser de décider à sa place qu'est-ce qui est bon pour lui. Plutôt lui dire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose? Et j'ai confiance en toi sur tu vas savoir quoi faire. Ensuite, c'est refuser de se placer en méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, la victime, elle nous fait culpabiliser. Elle sent en nous qu'on a une petite faille et qu'on a vite tendance à culpabiliser. Donc, elle va dire, oh là là, c'est pas cool. Tu t'as même pas téléphoné au kiné. T'as vu, je suis là, j'ai mal. Non, en fait, c'est pas mon rôle. En tout cas, si on est dans un couple de deux adultes, c'est pas la maman de la personne. Donc, basculer en dynamique parent-enfant, c'est pas super sain dans un couple. Donc là, l'idée, c'est de pas accepter que l'autre nous dise ça. Non, tu es un adulte, c'est ton rôle, tu es en capacité de le faire. Et tu ne m'as pas demandé de le faire, en plus. Donc, bien se dire que l'autre, il peut avoir tendance à nous laisser cette place-là et c'est pas OK, ça. Ça peut être aussi limiter l'aide qu'on va pouvoir proposer à l'autre. Oui, l'idée, quand on ne veut pas basculer en sauveur, ce n'est pas de refuser toute aide. L'aide, c'est aussi un besoin. Ça nous fait du bien, des fois aussi, de nous rendre utiles. Mais aider dans la limite qui est acceptable pour nous. Si Brigitte, elle est OK de prendre le premier rendez-vous pour, par exemple, aller chez le kiné pour Manu, elle lui dit, je vois que OK, tu n'as pas l'énergie, je vais prendre le premier, mais les autres, ça sera toi. Est-ce que ce soit clair, quoi? Et même souvent, dans la démarche, c'est hyper important de faire cette démarche, de prendre son téléphone et prendre le rendez-vous parce qu'on devient acteur de sa guérison, que ce soit pour un rendez-vous médical du corps ou un psy ou autre chose. C'est déjà commencer à guérir, faire ça. Voilà, il y a aussi le fait d'être vigilant à prendre ses distances. La victime, on n'est pas là pour la faire changer, mais c'est intéressant de se protéger. Donc mettre de la distance au niveau physique, c'est intéressant. C'est-à-dire si la personne se plaint, au moment où elle le fait, je change de pièce. Manu, il va pas à ses séances, il prend pas ses médicaments, il tient pas ses engagements. Il y a pas de réflexion à faire. On constate et on s'éloigne. On n'est pas dans, je vais lui rappeler de se prendre ses médocs ou des choses comme ça. Sinon, pouf, on rebascule dans la dynamique. Donc, l'idée centrale pour sortir du triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur, c'est le mot-clé, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire, le sauveur accepte de laisser la victime faire son chemin, etc. Et on peut aider la victime à se responsabiliser. Et le sauveur, quand il sauve, il aide pas la victime à se responsabiliser. Responsabilisation, c'est le mot qu'on retiendra aujourd'hui. Merci Noémie, on se retrouve la semaine prochaine. Et figure-toi qu'il va m'arriver un truc. Ah oui? Oh là là, on verra ça la semaine prochaine. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.